décide à chanter en joie. Oh yeah. Aujourd'hui, je me décide à me déguiser en sale. Ok, là, vous chantez pas. M'a parlé des poteaux de téléphone. M'a chanté sur les airs de pompiers. C'est pas ma faute, j'ai le monde, j'ai tous tes pieds. C'est ben le fun, c'est ben le fun, c'est ben le fun. Ok, attention, on part. Aujourd'hui, je me décide à sortir mon fâche. Décide à chanter sur un beige. Ok, là vous chantez pas. M'a parlé des poteaux de téléphone. M'a chanté sur les airs de pompier. C'est pas ma faute, j'suis le monde, j'suis tout dévié. C'est ben le fun, c'est ben le fun, c'est ben le fun. Ok, là on est rendu au solo psychédélique. Le but du solo psychédélique, c'est faire le plus de tapage possible. Ça, c'est ma main qui me dit ça. Ça veut dire que vous sortez votre vieux change, vos clés, vous criez, vous tapez à terre sur les sièges, vos chums. Tout y passe, acceptez nos caméras, notre système de son et nos techniciens, bien entendu. OK, êtes-vous prêts? Quand j'ai le vote égo. Attention. 1, 2, 1, 2, 3, go! Descend lentement. Doucement, le bruit descend. Fini le solo, j'ai dit. Là, le chanteur, après avoir entendu le solo psychédélique, se retourne à l'orchestre d'un Stone, puis là, il leur dit, « Hey, non, too much, man. » Attention! Aujourd'hui, je me décide à patcher mes vieilles jeans. Je me décide à patcher mes vieilles jeans. M'a chanté à télévision. Je m'en vais me rendre en première position. Puis je vais répondre à toutes vos questions. Que c'est bien le fun, c'est bien le fun, c'est bien le fun. C'est bien le fun, c'est bien le fun, c'est bien le fun. Je suis cool. Je suis cool. Je suis cool. La star.